Chapitre 6e. Domestique, société, soirée. La plus grande difficulté d'un établissement dans l'Ohio est celle de trouver des domestiques, ou, comme on dit en Amérique, des gens qui vous aident. Car c'est presque un crime contre la République d'appeler domestique un citoyen libre. Toute la classe des jeunes filles qui ne peuvent gagner leur vie qu'en travaillant est élevée dans l'idée que la plus abjecte pauvreté est préférable au service domestique. Des centaines de femmes à demi nues travaillent dans les moulins papier ou dans toute autre manufacture pour la moitié des gages qu'elles recevraient dans une maison. Mais elles pensent que la domesticité compromettrait leur égalité et il n'y a guère que l'envie d'obtenir quelque article de toilette qui puisse les déterminer à s'y soumettre. Cependant, un de mes amis se donna tant de mal pour me procurer une fille qu'un matin j'en vis entrer une chez moi. C'était une grande et forte personne qui se présenta elle-même en me disant « Je viens pour vous aider. » Cette nouvelle m'était trop agréable pour que je n'accueillisse pas bien celle qui me l'annonçait. Je lui demandai donc ce que je lui donnerais par an. « Seigneur Dieu !» s'écria la demoiselle avec un gros rire. « On voit bien que vous êtes une Anglaise. Sur ma foi, j'aimerais bien avoir une jeune demoiselle s'engager à l'année en Amérique. J'espère bien trouver un mari avant peu de mois. Autrement, je serais tout à fait une vieille fille, car j'ai déjà 17 ans. » Et peut-être faudra-t-il que j'aille à l'école. Vous me donnerez 1,5 $ par semaine et Phyllis, l'esclave de ma mère, viendra une fois par semaine de l'autre côté de l'eau pour m'aider à nettoyer. J'acceptai le marché avec une respectueuse soumission et voyant qu'elle se préparait à se mettre à l'ouvrage avec une robe jaune parsemée de roses rouges, je lui dis doucement que c'était dommage de salir une si jolie robe et qu'elle ferait mieux d'en mettre une autre. « Mon Dieu, c'est ma meilleure et ma plus mauvaise. » me répondit-elle, car je n'en ai pas d'autre. Et en effet, je trouvais que cette jeune demoiselle avait quitté la maison de son père sans autre vêtement que ceux qu'elle portait. Je lui donnai aussitôt de l'argent pour acheter ce qui était nécessaire, et nous nous mîmes à l'ouvrage, mes filles et moi, pour lui faire une jupe. Elle applaudit d'un sourire quand la besogne fut terminée. Mais jamais nous n'en eûmes une parole de remerciement, non plus que pour aucune autre chose que nous ayons pu faire pour elle. Elle ne cessait de nous demander quelques-unes de nos hardes à emprunter, et lorsque nous refusions, « À la bonne heure, » disait-elle, « mais je n'ai jamais vu de gens aussi regardants que vous. Il y a des jeunes demoiselles de ma connaissance qui vivent auprès des vieilles femmes de la ville, et elles et leurs filles leur prêtent tout ce qu'elles demandent. Je parie que vous, autres Anglaises, vous pensez que nous empoisonnerions vos habits, comme si nous étions des négresses. » Et ici, j'ai besoin de dire au lecteur que ce ne sont point des conversations faites à loisir que je leur donne. Toutes celles qu'ils trouveront dans ce livre ont été écrites le jour même, avec toute la fidélité que ma mémoire y a pu mettre. Cette jeune demoiselle me quitta au bout de 2 mois, parce que je refusais un jour de lui prêter assez d'argent pour acheter une robe de soie pour un bal où elle voulait aller. Alors, me dit-elle, ce n'est pas la peine que je reste ici plus longtemps. Je ne saurais admettre qu'un tel état de choses puisse être désirable, ni qu'il soit avantageux à l'une des 2 classes intéressées. Je pourrais écrire 100 pages sur ce sujet, et cependant ne donner qu'une imparfaite idée de l'orgueilleuse et maladive susceptibilité qui tourmente ces pauvres créatures. Elle était si excessive dans plusieurs que la compassion l'emportait en moi sur tout sentiment de déplaisir ou même de ridicule. Une de celles que j'eus était une jolie personne à qui la nature avait donné les dispositions les plus douces et les plus aimables, mais ayant entendu répéter 1000 et 1000 fois qu'elle valait autant qu'une autre femme, que tous les hommes étaient égaux et les femmes aussi, et que c'était un péché et une honte pour une Américaine libre d'être traitée comme une servante, tous ses bons sentiments s'étaient aigris, et la gentillesse de ses manières s'était transformée en une susceptibilité que la moindre chose irritait. Lorsqu'elle apprit qu'elle devait dîner à la cuisine, sa jolie lèvre se contracta. « Je vois bien que c'est parce que vous ne me trouvez pas assez bonne pour manger avec vous. » Mais vous vous apercevrez bientôt que ces manières-là ne conviennent point ici. » Je m'aperçus bientôt qu'elle ne mangeait presque pas et qu'elle passait le temps du dîner dans les larmes. Je fis tout ce qui était en mon pouvoir pour la réconcilier avec sa condition et la rendre heureuse. Mais je suis persuadé qu'elle me haïssait. Je lui donnais de très gros gages et elle demeura jusqu'à ce qu'elle eût obtenu différents articles de toilette assez coûteux. Alors, un beau matin, elle vint me trouver avec ses habits de fête et me dit « Il faut que je sorte. » « Quand rentrerez-vous, Charlotte ?» lui demandai-je. « Je crois que vous ne me reverrez pas. » Et voilà comment nous nous séparâmes. Sa sœur était aussi avec moi, mais sa garde-robe n'était pas encore au complet. Elle demeura quelques semaines encore, puis partit. Je crains qu'on ne me reproche de m'arrêter trop longtemps sur un sujet si vulgaire, mais il caractérise si bien l'Amérique que je me permettrai de citer encore un fait qui s'y rapporte. Peu de jours après le départ de ma belle ambitieuse, mes recherches d'une fille qui m'aida furent si efficaces qu'une autre jeune demoiselle parut devant moi avec la phrase consacrée « Je viens pour vous aider ». On m'avait prévenu que, pour peu que je voulus savoir celle-là, et ne pas me mettre dans l'impossibilité absolue d'en trouver une autre, je ne devais me permettre aucune question sur son caractère. Ainsi, 5 minutes après son entrée, elle était engagée, installée, et circulait dans la maison comme un membre de la famille. Elle n'était rien moins que jolie, mais elle avait un air de simplicité, de franchise dans les manières qui nous gagnaient le cœur à tous. Pour ma part, je crus que j'avais trouvé une seconde Jenny Deans, car elle me racontait des histoires de sa première jeunesse, dans lesquelles, à travers une armée de belles-mères méchantes, de frères avides et d'amoureux infidèles, son bon sens et sa fermeté de caractère l'avaient sauvée de bien des écueils. Entre autres choses, elle me dit un jour, avec l'apparence d'une vive émotion, que depuis son arrivée dans la ville, elle avait trouvé un remède pour tous ses chagrins. « Et quel remède ? » lui dis-je. « La religion, » reprit-elle, « et que Dieu soit loué de m'avoir fait cette grâce. » Puis elle me demanda la permission d'aller à l'assemblée tous les mardis et les jeudis soirs. « Cela ne nuira en rien à ma besogne, Mrs. Trollope, » ajouta-t-elle, « car notre ministre sait que nous devons remplir nos devoirs envers l'homme aussi bien qu'envers Dieu. Et c'est afin que les uns ne traversent pas les autres qu'il tient l'assemblée le soir et si tard. » Qui aurait pu se refuser à une pareille demande ? Je consentis, et Nancy eut la permission d'aller à l'assemblée 2 fois par semaine, outre le dimanche. Un soir que les moustiques s'étaient frayés un chemin sous ma moustiquaire et m'empêchaient de dormir, j'entendis quelqu'un entrer dans la maison fort tard. Je me levai, je gagnai le haut de l'escalier, et à la lumière de la lune, je reconnus Nancy coiffée de son plus beau bonnet. Je l'appelai. « Vous rentrez bien tard, » lui dis-je. « Pourquoi cela ?»« Oh, Mrs. Trollope, » me dit-elle, « notre troupeau s'est augmenté cette nuit de 17 âmes. Aussi la séance a été longue et très chaude. Je vais bien vite boire un verre d'eau et me coucher. Vous verrez que demain je ne m'enlèverai pas 1 minute plus tard pour cela. » Elle tint parole. Elle était très bonne servante. Elle faisait toujours plus qu'on exigeait d'elle, sans compter qu'elle trouvait le temps de lire la Bible plusieurs fois par jour. Je la voyais rarement occupée à quelque chose sans remarquer le livre près d'elle. À la fin, elle fut attaquée du choléra, et sa vie fut en danger. Je lui donnais tous les soins possibles, et je passais 2 nuits presque entières à son chevet. Elle avait des moments de délire, et toutes ses pensées semblaient avoir le ciel pour objet. « J'ai péché, » s'écriait-elle, « mais mon salut est en vous, Seigneur Jésus. » Lorsqu'elle fut rétablie, elle me pria de la laisser aller à la campagne quelques jours pour changer d'air, et me demanda de lui prêter 3 $. Pendant son absence, une dame de la ville vint me demander et s'informa, avec quelque agitation, si ma servante Nancy Fletcher était à la maison. Je lui répondis qu'elle était à la campagne. « Dieu soit loué, » s'écria-t-elle. « Ne souffrez pas qu'elle remette les pieds chez vous. C'est la femme la plus abandonnée de la ville. On a dit à un gentleman qui vous connaît qu'elle était à votre service et qu'elle se vantait de pouvoir entrer dans votre maison à toutes les heures de la nuit. » Elle me raconta ensuite beaucoup de circonstances qu'il n'est pas nécessaire que je répète, mais qui prouveraient clairement combien Nancy était un hôte dangereux. Je l'attendais le lendemain soir, et je crois que dans l'intervalle, je ne fis autre chose que chercher un prétexte pour lui donner son congé sans en venir à un éclaircissement. À la fin, elle arriva, et toutes mes réflexions n'ayant pu me suggérer une autre raison, je lui donnai la véritable. Je n'aperçus pas la moindre altération sur son visage. Elle me regarda fixement et me dit du ton le plus civil « J'aimerais bien savoir qui vous a dit cela. » Je lui répondis qu'il était fort inutile qu'elle l'apprît et que je désirais qu'elle quittât tout de suite la maison. « Je suis toute prête, » dit-elle avec la même tranquillité. « Mais comment nous arrangerons-nous pour les 3 $ ?»« C'est tout arrangé, Nancy, » lui dis-je. « Je vous souhaite le bonjour. »« Alors je vais rassembler mes hardes, » reprit-elle, et elle sortit. Une demi-heure après, comme nous allions nous mettre à table, elle entra avec cet air composé et civil qui lui était habituel. « Je viens pour vous souhaiter toutes sortes de bonheur, » dit-elle, et elle quitta la maison. Cette aventure me causa tant d'effroi que je résolus, quoique j'eusse l'alternative d'apprêter mon propre dîner, de ne plus admettre de jeunes demoiselles dans ma famille sans avoir pris d'abord les plus minutieux renseignements sur leur compte. Enfin, je trouvai une brave femme française et quelque temps après une jeune fille anglaise fort propre pour l'aider. J'eus le bonheur de les garder presque jusqu'à l'époque de mon départ. Ainsi, heureusement, je n'ai plus à raconter aucune infortune de cette nature. Les difficultés à l'égard des domestiques étant si grandes, il n'est pas surprenant que les maîtresses de maison qui sont forcées de s'occuper constamment de leur ménage n'aient pas le loisir de cultiver leur esprit. Lorsque je me rappelle cette circonstance, je suis plus surprise d'en avoir trouvé quelques-unes parmi elles fort aimables que de ne pas en avoir trouvé d'instruites. Si j'avais passé autant de soirées en société dans toutes les villes que j'ai visitées qu'à Cincinnati, je pourrais donner quelques détails sur les conversations. Mais en relisant mes notes et en interrogeant ma mémoire pour suppléer à ce qui leur manque, je ne trouve rien qui puisse mériter ce nom. Cependant, ce que j'ai recueilli trouvera sa place en temps et lieu. Mais quel que soit les talents des personnes qui se rencontrent en société, la forme, l'arrangement de ces soirées suffisent pour paralyser toute conversation. Les femmes se réunissent entre elles dans quelque coin de la chambre et les hommes dans un autre. Mais, pour rendre justice à Cincinnati, il faut reconnaître que cette habitude n'est point particulière à ce pays et qu'elle est la même dans tout l'ouest des Allegheny. Quelquefois, une tentative de musique produit une réunion partielle. Quelques-uns des plus téméraires jeunes gens, animés par la satisfaction que leur procurent des cheveux frisés et un gilet élégant, s'approchent du piano et se hasardent à parler un peu à de jolies jeunes filles à moitié habillées qui s'amusent entre elles à compter le nombre des leçons de musique qu'elles ont prises. Lorsque la famille est assez opulente pour avoir deux salons, le piano, les petites demoiselles et les jeunes gens à taille élancée sont abandonnés à eux-mêmes et l'on entend quelquefois partir de ce lieu de bruyants éclats de rire. Mais le sort des personnes plus dignes qui sont dans l'autre chambre est extrêmement triste. Les messieurs crachent, parlent des élections, du prix des marchandises et crachent encore. Les dames regardent la toilette les unes des autres jusqu'à ce qu'elles sachent par cœur jusqu'à la dernière épingle. Parle du dernier sermon de tel ministre sur le jugement dernier, des nouvelles pilules du docteur, tel autre contre les maux d'estomac, jusqu'à ce qu'on vienne annoncer que le thé est servi. Alors elles se consolent de tout ce qu'elles ont eu à souffrir pour se tenir éveillées, devant une table couverte de plus de thé, de café, de gâteaux chauds à la crème, de gâteaux froids de toute espèce, de gaufres, de pêches confites, de cornichons, de jambons, de dindons, de bœuf salé, de sauce aux pommes et d'huîtres marinées, qu'on n'en a jamais couvert aucune autre table dans l'ancien monde. Lorsque ce repas substantiel est terminé, elle retourne dans le salon, où il m'a toujours paru qu'elle restait aussi longtemps que cela leur était possible, sans dormir, puisqu'elles se lèvent en masse, mettent leurs manteaux, leurs chapeaux et leurs châles, et retournent chez elles.